éternel, Dieu des vengeances, parais. Lève-toi, juge de la terre, rends aux superbes selon leurs œuvres. Jusqu'à quand les méchants, Seigneur? Jusqu'à quand les méchants se réjouiront-ils? Ils écrasent ton peuple dans leur orgueil. Ils oppriment ton héritage sans crainte. Ils égorgent la veuve et l'étranger. Ils assassinent l'orphelin dans l'ombre. Ils disent l'Éternel ne regarde pas, le Dieu de Jacob ne voit rien. Mais celui qui a formé l'oreille n'entendrait-il pas? Celui qui a formé l'œil ne verrait-il pas? Que tu châties, ô Éternel, et que tu instruis par ta loi, pour lui donner le repos au jour du malheur, jusqu'à ce que la fosse soit creusée pour le méchant. Quand l'angoisse remplissait mon cœur, tes consolations réjouissaient mon âme.